Entrevue ayant pour thème « La pensée vient d'ailleurs » avec Marc de la Salle, auteur et conférencier québécois, ayant pour site web marcdelasalle.com. Cet entretien date du 10 avril de l'année 2012. Bonne écoute. Ce soir, je serais curieux de savoir actuellement, est-ce qu'il y a un sujet d'actualité ou quelque chose qui attire votre attention présentement? Pas nécessairement au niveau de l'actualité, parce que l'actualité, ça bouge beaucoup. Mais ce que je constate qui est dominant, qui est rarement parlé, c'est possiblement que du sujet de la pensée, hein, de découvrir que la pensée vient d'ailleurs, c'est pas un sujet qui est tellement véhiculé parmi tous ceux qui sont dans le cheminement de conscience. La pensée vient d'ailleurs, oui, mais le savoir en tout temps, c'est deux choses. Puis, je constate que l'actualité ou la société ne pourra jamais prendre conscience de ça, parce que ça, c'est une prise de conscience individuelle. C'est plus cela qui m'habite en ce moment que d'autres choses. Oui. Et c'est sûr qu'actuellement, on n'entend pas parler de ça, que la pensée vient d'ailleurs, bien entendu, dans les médias de masse, mais tranquillement, sur Internet, il y a des individus qui commencent à divulguer l'information, dont vous, il y a quelques-uns. Oui, oui. Puis c'est certain que c'est au centre de l'évolution de la conscience des individus, parce que ne pas découvrir ça, ça veut dire qu'on reste dans les mêmes schèmes pensés, mais les mêmes archétypes. On peut pas se réinventer si on découvre pas que la pensée vient d'ailleurs. Parce que tout est construit autour de ça. Le libre arbitre est construit autour de ça. La croyance est construite autour de ça. La crainte, le doute, tout est construit autour de la réalité que l'homme ne sait pas que la pensée vient d'ailleurs. Exactement. Et dans le fond, c'est ça par rapport à ce sujet-là qui est quand même fondamental par rapport à la conscience supramentale. Oui. Ça pourrait être peut-être intéressant que vous l'abordiez un petit peu plus en détail. Comment ça que la pensée vient d'ailleurs, tout d'abord? Ah, ben ça, c'est parce que l'énergie de l'homme avec la vie, elle passe à travers lui. Il peut pas, l'individu ne peut pas être le computer et l'Internet en même temps. Donc, l'énergie, c'est l'Internet. Ça n'a pas d'habitacle fixe, en d'autres mots. Ça se promène un peu partout, cette énergie-là. Elle est traversée, elle traverse les gens. Si on fait le parallèle avec le Wi-Fi aujourd'hui, donc la pensée est véhiculée sous toutes les formes aujourd'hui parce que, ben là, je parle de pensée astrale, parce que le Wi-Fi est habité souvent par des parasites. Puis ça, ces parasites-là vont influer sur la psyché de l'individu qui va faire en sorte que la pensée va s'altérer. L'énergie de la pensée, c'est un domaine qui n'est pas suffisamment investigué par l'homme. Par exemple, les individus ont toujours une plus haute opinion d'eux-mêmes en général par rapport à ce qu'ils sont en réalité. Et ça, c'est utilisé par l'ego sur le dos de la connaissance pour se donner des avantages face aux individus. Donc, si l'individu savait que la pensée vient d'ailleurs, possiblement qu'il pourrait se réinventer beaucoup plus rapidement que la situation l'exige. Parce que ce qui se passe en général, c'est que l'individu est bombardé par une myriade de pensées. Et il ne sachant pas lui-même comment se dissocier de la pensée, il va acheter la première pensée qui va le grandir. Par exemple, va t'acheter une nouvelle paire de souliers. Tu en as besoin d'une nouvelle paire de souliers parce que tu aimes les souliers. Donc, il va donner autorité à cette pensée-là, mais cette pensée-là n'est pas réelle. Elle va seulement l'amener ailleurs pour se donner l'illusion ou l'impression qu'il a le libre arbitre d'agir puis de s'acheter une autre paire de souliers. Puis à la fin de la journée, il se rend compte, peut-être qu'il a fait un mauvais choix. Là, il commence à douter. Là, il y a une autre pensée qui rentre. Parce que finalement, il s'aperçoit que dans son garde-robe, il y en a déjà 20 paires de souliers. Voyez-vous? Fait que c'est à cela qu'on doit s'attaquer. Pourquoi est-ce que l'individu n'est pas capable de se réinventer? Et pourquoi l'individu n'est pas capable d'arrêter le pire de lui-même dans les moments que ça va mal? Et dans les moments que ça va bien, ben il se grandit à l'aide de pensées astrales qui lui donnent l'illusion qu'il est en puissance. Donc, c'est certain que celui qui a un bon compte en banque aujourd'hui se donne une illusion plus grande. Est-ce que ça s'est utilisé contre lui? Éventuellement, oui, s'il n'est pas capable de découvrir que la pensée vient d'ailleurs, il va penser finalement qu'il est sa richesse. Hein? C'est vrai ce qu'on dit là? Exactement. Puis s'il perd la richesse, il perd son sens de l'identité. Oui. Donc, c'est pour lui, c'est pas nécessaire de savoir que la pensée vient d'ailleurs, parce qu'il est convaincu qu'il a le libre arbitre d'agir. Donc, si on regarde la société, la situation actuelle au niveau de la planète Terre, il se passe ceci, c'est que les gouvernements qui sont autocratiques, entre autres la Syrie et d'autres gouvernements, se donnent l'autorité d'agir comme bon le semble, en raison de la réalité qu'ils veulent maintenir les acquis qu'ils ont au niveau de leur gouvernement. C'est certain que ça va prendre énormément de chaos pour renverser, l'illusion que l'homme pense qu'il pense. Vous êtes d'accord? Ouais, ben c'est sûr que c'est généralement à travers les chocs de la vie que l'être humain va s'adapter ou modifier ses comportements. Parce que sans ça, il change pas. C'est comme de dire à un fumeur, si t'arrêtes pas de fumer, tu auras le cancer. S'il souffre pas assez, probablement qu'il arrêtera pas de fumer. C'est ça. Puis le fait qu'il arrête de fumer, ça peut même devenir un problème, dans le sens qu'il peut croire ses pensées puis dire que moi je suis obligé d'arrêter de fumer parce que j'ai peur d'avoir le cancer. Puis, possiblement qu'il aime ça fumer, parce que s'il fume, il aime ça fumer. Puis, possiblement qu'il ne doit pas prendre faire un tournant aussi dramatique dans sa vie. Puis, peut-être, avec le temps, il peut dire, je vais cesser progressivement de fumer au lieu de se créer un choc à lui-même. On n'est pas obligé de toujours se créer des chocs. On peut être intelligent de la vie puis continuer à vivre et à fumer sporadiquement. Puis un jour, si on dit que c'est assez. Parce que la pensée vient d'ailleurs à nourrir toutes les formes, tout le système actuel présentement en place. Que un fumeur, une personne qui voit un fumeur, il peut avoir la pensée, il va avoir le cancer. Puis là, cette personne-là, étant donné qu'elle est en présence d'un fumeur, puis elle n'aime pas les fumeurs, va se donner un ego supérieur pour agir en fonction, alors qu'elle se fait jouer, elle aussi, par la pensée. Parce que si elle allait à l'intérieur, cette personne-là, puis elle se dit, pourquoi cette personne-là fume? Elle verrait possiblement plusieurs choses. D'un, ça peut être très bon pour elle, pour se relaxer. De deux, ça peut lui permettre de se centrer. Il y a des personnes qui, au travers d'une cigarette, peuvent se centrer. Parce que ça lui donne un regard ralenti sur leur vie. Alors, on parle d'individus moindrement conscients, l'individu qui est inconscient de tout, il fume parce qu'il fume. Mais il faut pas sortir et dissocier le fait que la pensée vient d'ailleurs au fait que l'ego se donne des supériorités. Parce que si l'ego savait que la pensée venait derrière, ces supériorités qu'il se donne, cesseraient assez rapidement. Parce qu'il apprendrait à se corriger. En découvrant, par exemple, que s'il agit de telle façon, c'est parce que son schéma de pensée nourrit indirectement qu'il est ceci. Alors que, bien souvent, l'homme va découvrir que ce qu'il pense qu'il est très loin de ce qu'il est. Oui, surtout qu'ils ne pensent pas. Oui. C'est justement parce que le moment que l'individu dénonce le fait que la pensée vient d'ailleurs, il se produit deux choses dans sa tête. Il est libre de faire l'étude, s'il veut, de la vie, selon ce qu'il entend. Ça veut dire ça qu'il n'a pas à se raccrocher à la connaissance pour établir ce qu'il sait. La deuxième de chose, cela crée une direction dans sa conscience parce qu'il se rapproche de l'esprit automatiquement. L'homme, s'il peut accepter que la pensée vient d'ailleurs, se rapproche de son esprit automatiquement. Parce qu'il donne, quoi à son ego? Il donne la nourriture nécessaire pour se corriger. Et c'est ça que les gens font pas. Et c'est très difficile en société de vivre avec des égos parce que ça sent l'ego. Ça sent l'ego parce que l'homme pense qu'il pense. Et il se donne des avantages. C'est comme ça que ça se passe, hein? Oui, bien, traditionnellement, quand on regarde ça d'une lecture religieuse, c'est le péché de l'orgueil qui était dénoncé par les chrétiens. Donc, l'individu qui s'appropriait les qualités qui étaient associées à Dieu, un peu comme Satan ou Lucifer dans la tradition, pour se donner un faux sentiment de grandeur. Oui, oui. Puis ce faux sentiment-là construit indirectement les vestiges de la religion, et c'est ça qui permet à ces grandes structures-là de rester en place. Le jour que l'homme découvre que la pensée vient d'ailleurs, son discours avec l'invisible change. Vous êtes d'accord? Totalement. Totalement. Donc, le jour que il découvre que la pensée vient d'ailleurs, il ne peut plus s'assujettir à la croyance. Certes, la croyance va faire partie de sa vie parce que ça prend du temps avant de savoir que c'est quoi une croyance. Okay? Ça prend du temps avant de voir que l'ego est plein de référents psychologiques et religieux et spirituels pour se donner une sécurité. Donc, par exemple, de croire qu'à la mort, ben, je vais aller au ciel. Ça, c'est vieux comme l'enfer, ça. Mais indirectement, l'individu tient beaucoup à ses acquis de la connaissance. Et il n'est pas capable de faire le vide et de dire, d'abandonner tout ce qu'il y a derrière, parce qu'il n'est même pas prêt à accepter que la pensée vient d'ailleurs. C'est difficile d'accepter que la pensée vient d'ailleurs. Très difficile. Puis si l'individu savait ça, à chaque instant de sa vie changerait du tout au tout. Vous vivez quelque chose de difficile dans une journée, les pensées s'enclenchent. C'est automatique. On peut rester là-dedans 2 jours, hein, 3 jours. Il y a des personnes qui vont rester 5 jours avec la mort de quelqu'un. Puis, s'ils savaient que la pensée vient d'ailleurs, ils questionneraient indirectement l'information qui lui suggère d'être triste. Puis, il irait à la source, puis il dirait, ben, pourquoi que cette personne-là est morte? La première réponse, ce serait, elle a fait son temps. C'est évident qu'elle a fait son temps. La deuxième réponse, il y aurait d'autres réponses en relation avec le devenir de cet individu-là. Qu'est-ce qui est venu, surtout, qu'est-ce qui est venu acquérir ou chercher dans cette vie-là? Le jour que les individus découvrent qu'est-ce qu'une personne est venue chercher dans cette expérience de vie-là, ils arrêtent de pleurer. Mais les gens ne sont pas capables de questionner que la pensée vient d'ailleurs. Donc, on les envoie le fait que là, telle personne vient de mourir, ils sont tristes, puis ils vont pleurer cette personne-là. Puis, etc. Ben, on peut appliquer ça là au modèle de la grève étudiante au Québec. T'sais, si les personnes vont à l'intérieur et se demandent, c'est-tu bon ça, la grève que les étudiants font? Le contrepoids avec le gouvernement Jean Charest. La part des gens vont poser la question, puis ils vont y réfléchir, puis ils vont indirectement apporter de la connaissance à cette réponse-là. Ils vont dire, oui, c'est bon que les étudiants se lèvent contre le gouvernement. Puis d'ailleurs, il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est pas bon, puis parce qu'il y a 60% qui sont contre. Donc ça, c'est toute la connaissance. Oui, ben c'est sûr que si on en discute intellectuellement, on peut trouver des arguments pour, des arguments contre et faire une gymnastique intellectuelle là-dessus. C'est ça. Et lorsqu'on sait que la pensée vient d'ailleurs, on peut pas aller dans ce discours-là. Parce qu'aussitôt, on va questionner l'invisible, on va questionner sa source, son double, par rapport c'est quoi qui se passe au Québec avec la jeunesse? Est-ce que c'est un produit important du devenir du Québec? Au minimum, ce qu'ils peuvent dire, c'est que si on ne réfléchit pas la pensée, je reçois dans ma tête, les jeunes sont en train, dans une façon noble, OK, et possiblement non destructive, de dire que demain, ils ne seront pas à la table de la politique. C'est ça qu'ils disent. Allez-y. Ben, pour préciser, la pensée qui vous traverse, et non pas votre pensée. la pensée qui établit quelque chose, oui. Ouais, c'est ça. La pensée, c'est ça, ça peut établir des choses. Mais ce n'est pas des vérités. Moi, ce que je sais pour moi-même, je ne peux pas le savoir pour d'autres. Et les gens qui, lorsque je lui dis que les gens ne s'asseoiront pas à la table de la politique, ça veut dire qu'ils ne pourront pas acquiescer à des politiques telles qu'on les voit aujourd'hui. Et c'est ces jeunes-là qui vont changer la dimension, la structure organisationnelle de la politique au Québec. Parce que c'est sûr que le mouvement de la Révolution tranquille des années 60 a débuté par une révolution. et c'était les jeunes encore. Et ce sont toujours les jeunes qui changent la société. Par contre, ont-ils l'intelligence pour revendiquer, okay, le droit à plus d'intelligence dans une société? Ça, c'est pas réel. Ce qu'on peut reconnaître, par contre, c'est que si la jeunesse fait un mouvement comme elle le fait présentement, dans un mouvement non violent, elle trouve la force de son autorité dans sa parole et non dans le geste. Et c'est très fort, ça. Ben, quoique le geste est quand même présent avec les manifestations, les différents moyens de pression qu'ils ont utilisés en bloquant notamment là, un pont à Montréal, en bloquant des rues, et ainsi de suite. D'accord. Ceci, ce que vous venez de dire, c'est exactement le jeu de la connaissance. Parce que le jeu de la connaissance va nous amener à trouver des exemples. Et si vous allez profondément dans l'expérience ou dans le déroulement de cette activité-là qui est psychique. Okay? Au départ, tout se passe à deux niveaux. Vous m'apportez ce qu'il se passe dans la matière, et c'est très réel par rapport à ce qui se passe dans la matière. Ils ont bloqué des ponts, ils font des manifestations. Mais il y a une organisation psychique derrière ça. Il y a une monopolisation de la pensée qui est forte dans ces jeunes-là. Et la monopolisation de cette pensée-là n'est pas nécessairement astrale. Et c'est ça que je veux démontrer ce soir, c'est que la pensée, c'est une énergie et qui habite des consciences. Et elle habite les consciences qu'elle peut. Et selon la vibration de cette pensée-là, elle va changer les structures de la société. Ça, on peut l'appliquer à l'individu comme on peut l'appliquer à une société. C'est lorsque les individus découvrent que la pensée est une énergie et qu'elle crée en eux des espaces de vie qui leur permettent d'élever leur conscience de la société ou d'élever leur conscience en relation avec le savoir, que ces gens-là deviennent plus ou moins, selon ce qu'ils sont, je dirais des diffuseurs de conscience à un certain niveau. Et ce n'est pas nécessairement un mouvement de masse à ce niveau-là, comme les Noirs aux États-Unis quand ils se sont révoltés contre l'esclavage. Ce n'était pas un mouvement de masse. Il y avait un fondement intelligent. Il y en a un jour, Martin Luther King, qui le dit, j'ai un rêve. Et son rêve, c'était de voir l'homme noir américain libre de toutes les dogmes qui avait été établi par la croyance aux États-Unis que les Noirs étaient inférieurs et que toutes les pensées qui habitaient la masse psychique américaine. Et ce n'est même pas encore réglé, cette question-là, hein, parce que l'homme n'est pas capable de questionner la pensée. S'il questionnait la pensée, il saurait qu'est-ce que vient faire le peuple noir sur la Terre. Voyez-vous, la pensée, c'est l'origine de tout. Et vous, est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui vient faire le peuple noir sur la terre? Ah, ben, à plusieurs niveaux, à certains niveaux. Regardez, je vous donne des pistes. Je peux jamais dire exactement qu'est-ce que c'est, mais je donne des pistes. Est-ce que ce peuple-là peut se réinventer malgré toutes les difficultés qu'ils ont vécues? Si on leur donne l'occasion de se réinventer, ils peuvent le faire très facilement. Mais ils n'ont pas l'opportunité de le faire. Parce que ils sont encore exploités par les gouvernements qui vont en Afrique. C'est un grand sujet, la pensée vient d'ailleurs. Ouais, ben c'est sûr parce que il y a beaucoup d'auteurs dans le domaine de la psychologie qui ont abordé le phénomène de la pensée sur plusieurs angles. Je pense ici notamment à Freud qui a développé la psychanalyse Ouais. et la notion que l'individu est travaillé par des énergies inconscientes. Ah oui, le subconscient, l'inconscient, oui. Exactement. Et dans cette optique-là, c'est que les pensées seraient associées, entre autres, à des pulsions, pulsions de vie, pulsions de Ouais. mort. Donc, C'est ça. Une pulsion, c'était le début, cette psychologie-là, c'était le début d'une nouvelle ouverture de l'homme sur de nouveaux discours par rapport à la pensée. Vous avez bien raison. Et après ça, l'homme a pu développer sa psychologie par rapport à ça, mais il a quand même plafonné. Parce que la psychologie telle qu'on la connaît n'est pas suffisante pour comprendre que derrière chaque individu se loge non pas le libre arbitre, mais une programmation. Et si on ne sait pas que chaque individu a une programmation, on ne sait pas que des individus qui vont agir de telle façon, parce ils doivent agir de telle façon. S'ils doivent agir de telle façon, c'est parce qu'ils vont avoir des pensées qui vont descendre de telle façon. Prenez une personne qui aime les petits garçons sur l'Internet ou quoi que ce soit, puis qui va chercher des photos, etc. Puis il le fait même dans le domaine de son travail. Il est prêt à perdre sa job pour avoir sa pulsion. Donc, ça va loin, la pensée vient d'ailleurs. Lui, il va recevoir la pensée dans sa journée. Il va travailler, il va être assis à son bureau, puis à un moment donné, il va recevoir la pensée. Ah, on va donc faire un petit tour sur le site Internet pour voir si tu as eu des nouvelles photos. Puis là, il va perdre notion du temps parce que, une fois rendu là, il y a plus qu'une entité qui joue sur sa conscience, il y a plus qu'une entité. Donc, il est vraiment dans la pulsion de sa programmation, qui est que lui doit vivre l'expérience de la pédophilie pour éventuellement suffisamment souffrir dans cette vie ou dans une autre vie pour comprendre que la pensée vient d'ailleurs. C'est bête, hein, mais c'est ça. Et puis Ça va loin. la personne qui est victime d'actes de pédophilie, si on prend la dynamique du bureau puis de la personne qui est la victime, parce que si je ramène ça dans un autre plan, là, on parlait de photos, mais quelqu'un qui est agressé, est-ce que lui aussi doit apprendre à quelque part que la pensée vient d'ailleurs? Encore plus. Parce qu'il vient de vivre le choc de vie, alors que l'autre n'est pas dans un choc de vie, dans sa pulsion. Aussitôt qu'une personne se fait brimer dans sa sensibilité, elle vit un choc de vie. Et un choc de vie, c'est dans sa programmation. C'est inscrit dans sa programmation pour l'amener peut-être à réaliser que la vie qu'elle pensait vivre n'était pas ce qu'elle pensait qu'elle devait être. J'explique ceci dans le fait que l'individu ne se programme pas dans la matière, je ne sais pas, un viol. Mais c'est déjà inscrit quand il se réincarne qu'il va vivre le viol à tel âge. Pourquoi? Parce que la construction de sa psyché est né dans le socle du mensonge cosmique. C'est-à-dire que le mensonge cosmique doit agir sur sa psyché pour qu'elle le traverse. Et pour traverser ce mensonge cosmique-là, elle doit faire un retour au réel de ses origines, ce que la pensée vient d'ailleurs. Le jour qu'elle découvre ça, elle va dire que la pensée vient d'ailleurs, Elle peut prendre quelques années avant d'épurer son expérience du viol. Mais un jour, elle va dire, ouais, c'est intéressant ce que j'ai vécu, mais ça ne représente rien à ce que je suis aujourd'hui. L'individu qui va être prêt à accepter que la pensée vient d'ailleurs n'aura plus de passé. Ce sera impossible pour lui de penser qu'il a été ceci ou cela parce qu'il n'a plus de passé. Il est donc dans le devenir de sa conscience. Et il est dans le devenir du savoir. Puis le savoir, c'est exactement savoir que la pensée vient d'ailleurs. Le jour que l'homme sait que la pensée vient d'ailleurs, il n'est plus capable de réfléchir. Oui, bien, c'est sûr que quand on regarde ça, ça va loin, les implications qu'a tout simplement cette notion-là. Oui, c'est une notion très, très banale, puis je constate qu'elle n'est pas assez étudiée de l'homme, pas dans le sens que moi je le parle, dans le sens que l'individu, dans sa journée, devrait regarder ses pensées. Est-ce que vous, là, par exemple, vous avez eu la pensée que vous alliez faire une bonne émission ce soir? J'ai pas eu vraiment de pensée à cet égard-là. Je me suis dit, je vais faire mon émission comme d'habitude. Je me suis pas cassé la tête. C'est ça. C'est la façon que ça doit être. Ça veut dire que vous étiez centrique. Si, mettons, vous aviez eu la réflexion de dire, j'espère que je vais faire une bonne émission ce soir, cela voudrait dire qu'il y avait une pulsion ou une pulsation d'une entité quelconque qui agissait sur votre psyché. Pour vous faire sentir grand ou pour vous faire sentir à la hauteur, n'importe quoi, n'importe quelle pensée stupide, là. Tous les artistes sont assujettis à ça. Le trac du public. Alors que vous faites ce que vous avez à faire. Mais c'est ça. Ça démontre très bien que la pensée n'a pas eu sur vous, okay, de coloration pour faire votre émission. Puis moi, quand je regarde l'émission, j'ai aucune idée de ce dont je vais parler. J'ai aucune idée. Et la première chose qui me vient à l'idée, c'est la pensée vient d'ailleurs. Et je vous lance ça comme sujet. Oui, ben c'est un sujet intéressant. Il y a dans l'espace de clavardage Dédé qui dit: faites vos tests et découvrez par vous-même si la pensée vient d'ailleurs, car si quelqu'un d'autre vous le dit, vous ne le réaliserez sans doute pas. Il y a bien raison. Il faut que l'individu s'étudie et qu'il regarde, par exemple, comment il se sent à 8 heures le matin quand il se lève, comment il se sent à midi et comment il se sent le soir. Et s'il peut faire une étude de ça et de regarder à l'endroit s'il y a eu des belles énergies ou s'il y a eu des confrontations dans sa journée, il peut voir s'il s'est réfléchi. Et s'il s'est réfléchi, ben, il ne serait pas surpris que vous dire, ah, tu vois, là, je me pensais plus fin que l'autre là, à ce moment donné-là. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pour ça que j'ai eu un conflit. Donc, l'ego est obligé de se corriger s'il fait une étude. Et J'amène les gens à vraiment s'étudier par rapport à leur ego, parce que si on est tant dans la merde que ça, c'est en raison de l'ego, hein. C'est certainement pas en raison de l'esprit. Exactement. Et actuellement, on n'enseigne pas ça aux jeunes dans les écoles. Tu sais, il y a eu l'enseignement religieux pendant plusieurs années avec le catéchisme. Ensuite, on a un cours d'éthique des cultures et des religions qui est apparu pour nous donner des informations sur les différentes religions. Mais on n'a pas encore de psychologie évolutionnaire. Non, on n'a pas encore de psychologie évolutionnaire, et ça va être très difficile de pénétrer les mondes de la connaissance de cette façon-là. Moi, je ne sais pas par quel processus le processus de transformation de la société doit passer, mais il est certain que les informations qui sont parlés à certains endroits, comme à cette émission ou ailleurs, vont permettre un pont solide quand ça va vraiment aller mal. Et c'est à ce moment-là que les gens vont regarder ça, la pensée vient d'ailleurs. En ce moment, il faut avoir vu des grandes souffrances pour être prêt à regarder que la pensée vient d'ailleurs. Et comment une personne s'amène à l'étudier à tous les jours dans sa vie, c'est lorsqu'elle est tannée, elle est fatiguée de souffrir. C'est lorsqu'elle est vraiment fatiguée de souffrir en tant qu'ego. Son ego n'en peut plus de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle apprend à se corriger. Parce que c'est l'ego, la problématique. L'ego s'assoit toujours sur la connaissance de ce qu'il est pour vivre sa vie. Donc, vous allez au travail et vous pensez que votre travail, indirectement, c'est désagréable et quoi que ce soit. Il se peut que votre travail soit désagréable, mais que cela change votre psyché, que cela change votre façon d'être, veut nécessairement dire que vous êtes astralisé. La pensée a réussi à vous dire, oui, votre travail est désagréable. Moi, je ne considère pas qu'on fait des jobs très intéressants en société, en tant que personne. Il n'y a pas grand monde qui peut vivre de ça, de la conscience supramentale. Je ne connais pas personne qui arrive à rencontrer ses fins de mois avec de la conscience supramentale. Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Disons que il y a probablement un gros travail de reconnaissance qui doit être fait par rapport au fait, est-ce que les individus qui parlent, parlent réellement, ou est-ce que les individus font tout simplement remâcher qu'est-ce qu'ils ont entendu ailleurs ou ce qu'ils ont lu. C'est ça la grande différence. Mais pour revenir au propos, c'est que si la pensée vient d'ailleurs, les individus vont apprendre à se corriger. Parce que l'ego va toujours commettre l'erreur de se penser supérieur. Ça, c'est propre à l'ego. C'est de l'orgueil, comme vous disiez. C'est au centre de la psyché égoïque de l'âme. L'homme, s'il savait que la pensée vient d'ailleurs, il saurait que le silence n'existe jamais. Mais le silence mental, la paix de l'esprit, la vide... La paix de l'esprit, il y a toujours de l'activité. Il y a toujours une énergie. Tu es toujours en contact avec ton double. Toujours, toujours, même si c'est le silence. Le double est toujours là. Puis c'est parce que Bernard de Montréal parlait, entre autres, qu'il vivait à un moment donné une espèce d'état d'orgasme mental, où est-ce que c'était vide. Ben, le vide, c'est parce que le double est toujours là. Le vide, c'est que tu ne te fais pas casser les pieds par personne. C'est ça, le vide. Le double est toujours là. Le double, lui, c'est un esprit. Ça a une vibration, puis quand tu es bien dans ta tête, lui, c'est le calme plat sur son plan. Dans ce cas-là, c'est le vide. Il n'y a rien qui se passe. Si vous lui demandez à votre double, t'es-tu là, il va dire, oui, je suis là. Même si vous êtes dans le silence. Et l'individu n'est rarement dans cet état d'esprit-là, parce que bien souvent, il y a une entité maîtresse, okay? Il y a une entité sur un plan de la mort, ou quelconque, qui émet la vibration, la pulsion qui est mortelle. Donc, qui veut le rappeler que l'âme, c'est sa vie. Fait qu'automatiquement, il est prisonnier de l'illusion qu'il pense. Il ne peut pas vivre le vide, parce qu'il y a toujours une énergie qui va lui prouver le contraire. Ça se comprend-tu, ce que je dis? Oui, dans le sens qu'il est toujours piégé. Il est toujours piégé, il y a toujours une pulsion, il y a toujours quelque chose qui vient le sortir, disons, de sa protection psychique. Sa protection psychique, c'est sa couronne mentale. C'est que l'homme doit savoir que sa couronne mentale est intacte, puis elle va être bombardée dans une journée par un nombre inébranlable de pensées ou de parasites via les gens qu'on rencontre. Si on n'avait pas cette couronne mentale-là, ou cette aura au niveau de sa tête, on n'aurait jamais le calme, le plat de l'esprit. Moi, une bombe pourrait tomber à côté de moi, possiblement, puis je dirais, bon, ben, elle est tombée juste à côté. Je disais, elle a bien tombé. J'aurais pas le goût de la panique. Si j'avais à partir, je dis, bon, ben, c'est le temps que je pars, mais... Faites attention à ce qu'ils vous disent, parce qu'ils peuvent vous tester. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Parce que ce que je dis, c'est inébranlable. Qu'elle fasse sauter la bombe, je m'en calisse. C'est pas important. Il faut faire attention à ce qu'on dit au niveau de l'ego. Si on parle aux fonctions de qui on est, on n'a pas à faire attention à ce qu'on dit. pourquoi qu'on devrait faire attention à ce qu'on dit si on est ce qu'on est? Voyez-vous, il y a un doute dans le fait qu'on va se faire tester par l'invisible. Il y a un doute. Il y a un doute de l'homme par rapport à ce qu'il est. Moi, s'ils veulent me tester, je vais dire, mangez de la marde, c'est-à-dire. On va voir sacrement. Puis si l'événement arrive, je vais être encore plus en sacrement. Puis ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça va me permettre d'être au-delà de l'expérience? Ça va me permettre, ultimement, de savoir qu'ils ne sont pas plus intelligents que moi. Vous êtes d'accord? Oui, mais ça ne vous empêchera pas de vivre l'expérience qui peut être déplaisante. Ah! Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Parce que il y a une chose que l'on doit comprendre. La destination de l'homme par rapport à la vie, c'est quoi? C'est ultimement d'être dans le savoir de ce qu'il est. S'il est dans le savoir de ce qu'il est, il ne souffre pas d'aucune expérience qui peut lui être présenté. Il est intouchable. Et il est intouchable pour la simple et unique raison qu'il sait que la pensée vient d'ailleurs. Parce qu'en sachant que la pensée vient d'ailleurs, il se retourne contre l'événementiel et il questionne sa source, son double, ou il questionne les forces de vie et dit c'est quoi qui se passe. Il va leur demander c'est quoi qui se passe et ils vont être obligés de l'instruire. Ils vont être obligés de l'instruire. Pourquoi? Parce qu'il est établi qu'il est son seul soleil de conscience. C'est lui qui décide sa vie en fonction de comment il va la gérer. Il décide pas les événements, mais il décide comment il va gérer la vie. Et cela, il ne le peut seulement quand il a découvert que la pensée vient d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il sait que la vie, c'est une orchestration de l'invisible, soit astral, soit mental. Dans le commentaire, on parle des forces de la lumière, pour créer sur la Terre un homme, un surhomme, un être supramental qui ne tremblera jamais devant le paradis. Et quand l'homme ne tremblera jamais devant le paradis, il va faire de la Terre son paradis et on ne pourra plus l'atteindre. Il va être sorti, on parle d'un homme à la conscience jupitérienne, il va pouvoir se réincarner ou se dématérialiser à volonté et aller où il veut dans les espaces-temps qu'il veut. Mais pourquoi qu'on parle de conscience jupitérienne? Pourquoi pas martienne? Ah, pourquoi pas neptunienne? Ah, jupitérienne, ça a été amené par Bernard de Montréal, jupitérienne. Je n'ai jamais questionné, c'est une bonne question, et pourquoi est-ce que c'est jupitérienne? Est-ce que Jupiter, c'est la planète qui est le plus loin dans notre système solaire? Non. Ben non, c'est Pluton. C'est Pluton. OK. Vous voyez, j'ai même pas la réponse à ça. C'est une bonne question, j'ai pas la réponse à ça. Et même si j'essaierais de vous donner une réponse sur le dos de la connaissance, je ne saurais pas quoi vous dire. Mais votre double, il ne vous donne pas la réponse? Ah oui, mais on n'était pas rendu là. OK. Mais c'est parce que je veux vous démontrer que la pensée vient d'ailleurs. Moi, là, en tant que personne, vous me posez une question que j'ai aucune idée de la réponse. Et si j'essayais, mais la seule référence que j'ai, c'est que une conscience jupitérienne, c'est une conscience qui vient d'ailleurs. Ah, vous voyez, c'est la seule référence. Pourquoi pas nepturienne plutôt que jupitérienne? Je vous dirais, ben, si vous êtes capable de vivre avec la vibration que c'est jupitérienne. Si vous voulez que ce soit une conscience nepturienne, ben, prenez une conscience nepturienne. Le but du mot, l'exercice du mot, je vous donne ce que mon double ou ce que les forces veulent dire, parce que moi, si je commence à réfléchir à ça, j'en finis plus. On va prendre un mal de tête. Donc, je vais dire, jupitérienne, explique ou exprime dans un sens clair la force de la réalité gravitationnelle de l'homme par rapport à la Terre. Et lorsqu'il va être dans une conscience jupitérienne, il va traverser son système solaire pour être dans tous ses éthers, un être multidimensionnel qui a touché à la source de ses origines, et la source de ses origines va au-delà de la planète jupitérienne ou de la planète Jupiter, parce qu'on parle d'une conscience libre qui peut habiter d'autres galaxies. Ben à ce moment-là, pourquoi pas parler de conscience extraplanétaire ou multidimensionnelle au lieu de conscience jupitérienne? C'est aussi bon. Conscience multidimensionnelle peut être aussi bon. C'est aussi bon. Jupitérienne, il y a certainement des gens qui vont avoir fait de la lecture sur le sens du mot jupitérien. Ils pourraient amener l'information et je pourrais seulement reconnaître que c'est ça. Moi, je ne pose pas de problématique par rapport au fait que l'individu a un mot ou tel autre mot. Je regarde la vibration de multidimensionnelle, conscience multidimensionnelle, je considère que ça rentre dans la même vibration que jupitérienne. Jupitérienne, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une conscience qui ne se pense pas. C'est ce qu'il faut retenir. Et pourquoi c'est jupitérienne plutôt que nepturienne? Il y a des vibrations qui sont supérieures et probablement que c'est seulement lorsqu'on sera mortel ou dans on aura traversé le rayon de la mort qu'on pourra comprendre les énergies qui gravitent derrière ce mot. Parce que il y a des mots qu'on peut utiliser pour calibrer sa vie et des mots qu'on ne peut pas utiliser pour définir sa vie. Et, calibrer sa vie, ça veut dire, par exemple, vous donnez tel mot à votre conscience. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis stupide » quand ils font une erreur. Ils calibrent leur vie d'une grosse problématique en partant parce qu'ils ne pourront jamais traverser cette illusion-là que la pensée vient d'ailleurs en se disant « je suis stupide ». Ça, c'est... Les mots ont une vibration. Si vous dites « ouais, j'ai pas été vigilant », c'est 10 fois mieux que « je suis stupide ». Exactement. C'est être sensible au vocabulaire qu'on utilise. Tu sais, comme il y a des gens qui vont se dire « on va se coucher, on va être moins niaiseux à soir », on peut dire « on va être plus intelligent ce soir à place ». C'est encore un jeu égoïque. Ouais. Là, lui, il change pas grand-chose. Ou ce qu'on peut dire... Ce qu'on peut dire, par exemple, en se couchant le soir, tout ce qu'on peut dire, on dit, je regarde ma journée, je dis, OK, ici, ça a bien été, ici, OK, ça va. Et vous vous couchez la tête en paix parce que vous êtes capable de savoir que vous êtes au parfum de votre vie. Vous n'avez pas peur de vous corriger, de vous regarder. Et c'est ça que les gens ne font pas suffisamment. Ils ne se corrigent pas. L'ego se corrige rarement. Et de dire, tu sais, j'espère de me coucher, par exemple, plus intelligent ce soir, ça dépend pas de vous. L'intelligence, ça dépend pas de l'homme. L'énergie de l'intelligence, elle va vous habiter si elle a à vous habiter. Et elle va vous habiter simplement le moment où vous serez très présent à vos pensées. Et une fois que la personne commence à être présente à ses pensées, elle est capable de contrecarrer toutes les pensées non intelligentes qui viennent dans sa tête. Par exemple, « Ouais, mais t'es grosse » ou « t'es laid ». La première chose que la personne va dire, « Sacrement, y en a-t-il des conneries qui peuvent se dire au niveau de l'astral ?» À ce moment-là, elle grandit en intelligence et en savoir. Ça se comprend, ça, hein? Oui. C'est facile. La conscience, c'est des lois. Ça répond des lois. C'est des clés précises pour permettre à l'homme de renverser le mensonge cosmique. Et c'est l'homme qui va le renverser. C'est pas les forces de la lumière. Les forces de la lumière, eux autres, ils vont laisser aller tant que l'homme ne soit pas intelligent. ils vont certainement permettre des informations, comme la pensée vient d'ailleurs. C'est venu en 1969, ça, pour la première fois sur la Terre, que la pensée venait d'ailleurs. Et ça a fait son chemin. Oui, à petite échelle encore, parce que comme on en parlait depuis tantôt, c'est pas quelque chose qui semble être encore sur le point de sortir là, à grande échelle là, dans les médias de masse notamment. Oui. Ben on va faire on fait l'expérience. C'est quoi votre degré, vous, en pourcentage, là? Vous direz avec le premier chiffre qu'on vous dit dans votre tête que vous savez que la pensée vient d'ailleurs. À combien de pourcentage savez-vous cela? Ce qui me vient en tête, c'est 90. Vous voyez, 90, c'est très bon. 90, c'est très bon. Mais savez-vous que le 10%, c'est encore énorme? Oui. Parce que dans un 10%, on peut être déséquilibré pendant une journée, deux jours, par des pensées. Parce que c'est en réalité, c'est ça qui se produit. On peut être conscient à 90% que la pensée vient d'ailleurs, mais le 10% est suffisant pour venir tout casser notre vie. Ou simplement de faire une erreur, une bêtise. OK? Une bêtise qui va vraiment coûter cher, en d'autres termes. Et le 10% va s'altérer avec les années. Ça va devenir 9, ça va venir 8. Un jour, ça va devenir 99,2, 99,9. Et vous, vous êtes rendu à combien? C'est une bonne question. Parce que là, étant donné que je vous ai demandé votre position, là, je suis obligé de me donner la mienne. Mais ce qui va se produire, c'est que si je vous disais, bon, vu que vous avez 99,9, c'est pas encore à 100%. Puis le 0,1%, je peux vous garantir qu'il me fait souffrir. Je peux vous garantir qu'il me fait souffrir. Parce que le 0,1% pour n'importe quel individu, c'est se faire passer une petite vite. Ne pas être dans le centre de son identité totalement. Puis, à acquérir ça, je peux vous dire, peut-être, je ne suis pas certain, là, mais je considérerais que l'homme va le savoir seulement quand il va mourir, ce 0,1%-là. Parce que toute la conscience qu'on parle, là, l'identité cosmique de l'homme, l'homme va être à 99,9 certain de qu'est-ce que c'est la vie. Parce qu'il va la vivre, puis il va savoir que la pensée d'ailleurs, il va avoir échangé énormément avec les forces de vie. Il va être capable de se censurer. Il va être capable d'établir, comme moi j'établis que je suis ceci, mais ça, je l'établis pour moi-même. Mais là, étant donné que c'est public, ça va être récupéré, c'est certain. Ça peut être récupéré. Bon, ben, si lui est à 99,9, il parle comme il parle là. Si je dois être à 100%, moi, Oui, gens ben les gens, ils vont réécouter l'émission, là, puis je suis sûr, là, je vais avoir des commentaires. Il y en a qui vont dire, ben ton invité, il est arrogant ce soir, il pense qu'il réalisait 99,9%. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va m'écrire ça. Ben, je suis conscient que la pensée vient d'ailleurs à 99,9%. Ça, c'est ça que je dis. C'est rien que ça que je dis. Je dis rien d'autre. Ça n'a aucun rapport par rapport aux autres pensées que les gens peuvent penser, mais je suis d'accord avec vous. On crée une forme. Parce que j'ai eu des répercussions la dernière fois quand je vous ai dit à votre émission que j'ai pas eu des répercussions personnelles, mais j'ai eu des oui-dire quand j'ai dit la dernière fois que je vous jure que je compte pas de mensonges. Je vous dis que je compte pas de mensonges. Les gens avaient trouvé ça arrogant, effectivement. Exactement. Moi aussi, j'ai eu des commentaires là, par suite à cette émission-là. Ouais. Et les gens sont très sensibles et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans ce qu'on dit. Tantôt, quand vous m'avez posé la question, je dis spontanément qu'il me venait par la tête. Je dis pas que je suis réalisé à 90%, loin de là. J'essaie de pas me prononcer là-dessus parce que ça crée des polarités et voilà. Il y a toujours des gens qui vont chercher la bête noire. C'est-à-dire que dites que vous êtes réalisé à 99, ben pas réalisé, mais que vous êtes conscient que la pensée vient d'ailleurs, 99,9%. Il y a des gens qui vont essayer de réécouter l'enregistrement, vont dire « Ah, telle affaire, c'est pas assez ajusté qu'il a dit tantôt. » Oui, c'est ça. Ou si c'est vous dites ça. Que vous dites pas de mensonge, les gens vont se mettre à chercher méticuleusement s'il n'y aurait pas une erreur d'une information que vous auriez donnée. Et le but de parler comme ça, des fois, c'est tout simplement d'établir que l'homme a le droit de savoir ce qu'il est. Il a le droit de le dire, ce n'est pas de la prétention, il doit le dire. Et ce que les autres pensent de nous-mêmes, ce n'est pas de nos affaires. C'est pour ça que je me suis permis de jouer au jeu du pourcentage, parce que je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. C'est pas important. Ce qu'il faut que les individus regardent, c'est est-ce que derrière ce que le propos est amené, ce qui est échangé ce soir, est-ce que ça nous amène un peu plus, comme individu, à savoir un peu plus qui on est? C'est ça qui est important. Pas ce qui on est pour se comparer, ce qui on est. Les gens qui écoutent ce soir, ils devraient se poser la question à eux-mêmes et dire, c'est quoi ma conscience, le pourcentage qui m'habite pour savoir, moi, à quel pourcentage je sais que la pensée vient d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, on peut poursuivre l'étude, et l'étude serait ceci. Donc, si, supposons, vous avez un 10% à jouer, essayez de regarder où est-ce qu'il se joue, ce 10%-là. Il y a quelle partie dans votre ego qui est vulnérable, qui déclenche en général ce 10%-là. Quand vous allez corriger cette partie-là, si moi je prendrais l'impression que je me sens supérieur, si j'aurais à corriger ça dans mon ego, rapidement, je pourrais diminuer énormément l'illusion de penser que je suis ceci ou cela. Et je tomberai un peu plus dans le réel. Et de cette manière, je serai beaucoup plus conscient que la pensée vient d'ailleurs en tout temps. Et à ce moment-là, c'est plus facile de travailler avec l'homme et de travailler avec soi-même, parce que vous êtes conscient que n'importe quel individu peut se faire compter des mensonges par rapport à ce qu'il est. Et c'est pas important de lui dire. Ce qui est important, c'est à l'homme de réaliser si lui se compte des mensonges. Moi, si je pose la question à mon double, est-ce que je me compte un mensonge? Il va me dire, pour les besoins de l'émission, nous vous disons, c'est à vous de le savoir. Vous voyez? Mm-hmm. Parce que si je tombe encore, non, vous ne comptez pas de mensonges, encore là, on va se faire prendre dans la revendication, comme Alice, puis encore là, c'est de l'arrogance. Moi, je le sais pour moi-même qui je suis. C'est pas important. Si les gens aiment écouter votre émission, moi, je vous dirais une chose. S'ils aiment écouter votre émission, c'est parce que vous êtes capable, selon moi, selon la perception et selon ce que j'ai entendu et vu de vous, vous êtes capable de vous corriger. Est-ce que c'est réel? Écoutez, je fais mon possible pour m'ajuster le plus possible à ce que je perçois. Si vous voyez quelque chose de vous-même, vous allez le corriger. Oui, dans la mesure du possible. Ouais. Parce que vous êtes dans l'étude. Savoir que la pensée vient d'ailleurs à 90%, est-ce que vous seriez d'accord pour dire, Néo, que c'est également être dans l'étude de soi-même à 90%? Oui. Ça passerait mieux, hein? Vous êtes d'accord? Ça passerait mieux. Bon, mais je suis dans l'étude de moi-même à 99,9%. Est-ce que ça passe? Ben oui, ça passe. Tout à fait. C'est la façon de le formuler, et c'est très délicat, hein, quand on parle publiquement. Souvent, ce qui arrive, c'est ce que... D'ailleurs, je pense que... Bernard de Montréal a vécu un petit peu le phénomène, parce que dès ses premières conférences, il est sorti publiquement, il a dit « Je suis un initié ». Ah oui! Et j'ai l'impression qu'il a goûté, il a eu le contre-coup en fin de vie, avec son cancer qui l'a totalement dévasté publiquement. Et je ne sais pas s'il aurait eu à vivre cette expérience-là. À cause qu'il a déclaré, il s'est fait tester selon vous. J'ai l'impression que... C'est peut-être une forme de rééquilibrage au niveau de la perception publique de son ego. C'est bien dit, ça. C'est bien dit. OK, je vous pose la question maintenant, parce que c'est très bien dit. Est-ce que le rééquilibrage est pour lui-même ou pour les autres? Moi, j'ai l'impression que c'était par rapport aux autres. C'est la réponse que j'avais. Bon, la même réponse Fait que ouais, c'est, ouais. C'est les autres qui devaient se rééquilibrer par lui, pas lui. C'est intéressant. Si vous aviez la même réponse que moi, moi, c'est parce que quand vous avez dit ça, ma réponse était là de suite. Puis je peux développer un peu là-dessus. Oui, ça pourrait être intéressant. OK. Donc, si lui, OK, il a été capable d'établir sur la Terre qu'il est un initié, OK, mm-hmm. Le Christ, quand il est mort sur la croix, là, il a établi qu'il était le Christ. Mm-hmm. Il est où le problème? T'sais, on a fait une religion de 2 millions d'années, 2000 ans avec le Christ, puis lui, il est mort sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il devait créer une forme, sans le savoir, pour rebalancer sa venue sur la terre, et aussi pour donner un souffle à la spiritualité, pour permettre aux âmes de supporter l'expérience planétaire pendant 2000 ans. Mais là, lui, le nouvel initié qui était Bernard de Montréal, est arrivé en 1969, il a dit qu'il était un initié, puis il n'y a personne qui voulait l'entendre. Mais ils ont découvert, les gens qui ont été près de la sensibilité de Bernard de Montréal, ils ne se comptaient pas d'histoire. Puis, même quand il a commencé à être malade, lui, il est obligé de questionner pourquoi il était malade. Puis, une de ses grandes études a été d'alléger sa souffrance à travers la maladie. Il dit, moi, le mental est intact. Mon corps physique est peut-être pas en bon état, mais mon mental est intact. Et pour lui, c'est tout ce qui comptait, que son mental soit intact. Ça veut dire que son mental, à 100% ou à 99%, ou 99.9.9.9, j'ai aucune idée, était intact. Et que le reste n'était pas important. Parce que dans la mort ou dans le passage de la maladie, on est seul avec soi-même, davantage. Puis lui, il a énormément travaillé. Il a énormément fait de colère pour casser des formes. Il a créé énormément de chocs à la société des temps modernes quand il a commencé à parler publiquement. Il a créé énormément de chocs. Et ces chocs-là sont récupérés par le monde astral. Et les individus ont tout un ego. Okay? Il y en a qui ont une plus belle sensibilité, qui sont plus transparents que d'autres dans leur ego, et n'ont pas créé contre le mouvement de Bernard de Montréal des égrégores ou encore des formes pensées pour l'attaquer, lui, sur le champ de sa conscience. Être un initié, c'est ça que ça veut dire. C'est que vous allez être attaqué sur le champ de votre conscience tout partout où vous allez. Et si vous n'avez pas le feu d'établir qui vous êtes fait à l'os. Ce n'est pas les gens en tant que tels qui vont vous vampiriser, c'est tout ce qu'ils créent comme égrégore. Regardez Barack Obama, il a vieilli de 10 ans à l'intérieur de 4 ans. Pourquoi? Parce que les oppositions qui sont contre Barack Obama, ils sont énormément grandes, et tous les présidents des États-Unis, que ce soit, ont eu énormément d'oppositions depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont devenus des leaders de la planète. Oui, bien c'est ça, il est dans une position dans laquelle il peut être très tendu. On le voit blanchir avec ses cheveux notamment. Oui. C'est sûr que moi, j'aimerais pas être dans ses souliers, comme on dit. Donc, c'est ça, établir qui vous êtes. Lui a établi qu'il était le président des États-Unis. Mais on a remarqué que dans son premier mandat, il n'a pas été capable d'établir. Parce qu'il était énormément ambivalent par rapport à plusieurs positions. Et c'est juste dernièrement qu'il recommence à reprendre un peu de force dans la définition de ce qu'il est. Et probablement qu'il va gagner la prochaine présidentielle s'il est capable d'établir son autorité. George Bush n'avait pas de problème à établir son autorité. Et c'est pour ça qu'il a été réélu. Les gens ont besoin d'un leader. Puis que ce soit n'importe quel genre de leader, que ce soit Stephen Harper ou quoi que ce soit, ce que les Anglais de l'Ouest du Canada aiment de Stephen Harper, c'est qu'il n'a pas de doute. Il dit ça, puis c'est ça. Et si vous regardez la presse québécoise, toute la presse québécoise va critiquer son arrogance. Mm-hmm. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui, bien d'un côté, c'est une qualité, puis de l'autre côté du Canada, ben c'est un défaut, le même élément. C'est ça, c'est ça. Donc, on ne pourra jamais avoir. Il n'y a jamais personne qui pourra établir que vous êtes à 100% un initié. Il n'y a jamais personne, comme Bernard, lui, l'a établi. C'est lui qui l'a établi, puis ça a créé un choc. Et il est mort. Et la façon dont il est mort, ça a créé un autre choc aux individus, parce qu'il est mort d'un cancer. Puis à la dernière minute, on voyait bien que. Il y a bien des gens qui se disaient, c'est pas intelligent, comment ça se fait, c'est un initié. Mais le Christ est bien mort sur la croix, c'est quoi le problème? Là, lui devait simplement défaire la forme, comme vous dites, possiblement, de toutes les formes qu'il a créées par rapport à ça. Pas par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à son personnage, ou par rapport à ce que Bernard de Montréal était, pour que les gens aient un choc. Et est-ce que ça donne plus de poids à ses études, aux études qu'il a faites? Pas nécessairement si les individus ne sont pas capables de réaliser que Bernard de Montréal, oui, c'est quelqu'un de grand, mais eux autres, eux doivent aussi être grands dans leur conscience de qui ils sont. Et pour être grands de qui ils sont, ils doivent intégrer les principes qui ont été véhiculés par l'initié. Et un de ces plus grands principes-là, c'est que la pensée vient d'ailleurs. C'est le plus grand principe pour permettre à l'homme de passer à une conscience éveillée, si on peut le dire ainsi. Oui, ça en fait des choses parce que... Oui. Allez-y. Oui, bien, en lien avec Bernard, ce qui a été particulier, ça a été que toute sa vie, il a été question à plusieurs reprises dans ses conférences que la pensée vient d'ailleurs. Et en bout de piste, oui. Ultimement, quand on en regarde ça, parce que j'ai écouté certains de ses enregistrements, il disait notamment que, alors qu'il était très malade, qu'il allait voir en dedans, à l'intérieur de lui, puis ça lui disait que tout était correct, alors qu'il dépérissait physiquement, puis tu sais... Oui, tout est correct. Oui, ben c'est ça, un petit peu comme vous disiez tantôt, tu sais, Jésus, il est mort sur la croix, mais à quelque part, tout est correct aussi, tu sais. Oui, parce que la seule chose qui compte, c'est le réel. C'est le réel. Moi, quand je vous dis je suis ci ou cela, tout ce qui compte, c'est le réel. C'est pas ce que je pense, ce que je suis. C'est le réel de ce que je dis par rapport à la vibration que cela crée en moi. Rien que moi qui le sais. C'est certain, j'irai pas publiquement pour moi, puis dire que je suis un initié. Je m'en crisse de l'initiation. Tout ce que je veux savoir, moi, par rapport à ma conscience, c'est si je suis réel dans ce que je dis. C'est tout ce qui compte. Et Bernard, quand il posait la question, puis on lui disait, tout est correct. Tout est correct, parce que lui, il a compris sa programmation par rapport à l'expérience de l'initiation qui était Bernard de Montréal pour initier la Terre au fait que la pensée vient d'air, afin que l'homme se réinvente dans les années à venir. On parle des 2000 années. Est-ce qu'il va y avoir un autre plus grand initié que Bernard de Montréal dans les 2000 prochaines années? Probablement que non, mais tous les gens qui se conscientisent vont former une masse psychique très, très profonde et très forte qui va être plus forte que la conscience de Bernard de Montréal, dans ce sens-là. Les gens qui vont adhérer ou vont réussir à intégrer le principe que la pensée vient derrière vont créer une symbiose très forte qui va faire une alliance cosmique sur la Terre des hommes conscients. C'est plus grand que l'homme, la Terre aura plus besoin d'initiés dans ce temps-là. Donc, lui, était-il le dernier grand initié à vivre des chocs de vie par rapport au corps physique et au corps matériel? Non. Il y a d'autres initiés qui vont vivre des similitudes, mais ça ne sera probablement pas aussi marquant que sa vie à lui. Parce que sa vie a été marquante, parce qu'il a amené un principe évolutif qui va durer 2000 ans. Et c'est pour ça que tout est correct. Ouais, parce ben... qu'il savait qui était. Non, mais c'est toujours une question de point de vue, hein? Mais non, c'est une question de savoir. Allez questionner, si je vous dis là c'est un manchon. Questionnez-le. Il vous dit-tu qu'on s'en fait passer une bite? Non, je comprends dans le sens que vous l'amenez. Par rapport au savoir, c'est toujours entre soi puis soi en bout de piste. C'est toujours en soi, puis soit en bout de piste, mais il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte. Sinon, c'est toujours soit en soi, en bout de piste, mais il y a aussi la vibration. Si, mettons, vous, là, les oreilles vous cillent depuis tantôt, là, ben c'est peut-être votre psyché, votre sensibilité qui dit « Ah, Chris, me semble que tabarnak, c'est pas réel ce qu'il dit là. » Ça, tu fais ça ce soir? Comment? Est-ce que ça vous a fait ça, cela, ce soir? Non. Et vous? Non. Mais je veux démontrer que l'homme, quand il parle avec d'autres hommes, là, c'est une émission publique, c'est évident, on a le droit d'exprimer, OK, ou de véhiculer sa sensibilité, et cette sensibilité-là se véhicule à travers l'intelligence qui nous habite. Si, supposons, vous me créez des oppositions, puis vous dites, ben, c'est pas réel ce que vous dites là, c'est pas réel ce que vous dites là. Moi, je vais dire, ben, je suis bien d'accord avec vous, c'est le temps que je quitte l'émission. À la prochaine, trouvez-vous un invité qui va être plus réel. Je dirais pas ça, parce que ça serait sarcastique. Je voudrais tout simplement dire, ben, c'est bien. Je pense qu'on a terminé notre entrevue, si vous voulez. Tu sais, je sais pas comment je vous dirais ça. Mais, quand Bernard a parlé, bien souvent, c'est sûr qu'il dérangeait des consciences. Parce que la parole, ce n'est pas simplement des mots. C'est aussi une vibration. Et cette vibration-là met en opposition ou en éveil ce que vous êtes aujourd'hui. En opposition dans le sens, voyons donc, si la pensée vient d'ailleurs. Ou en éveil, ah, c'est vrai, Christ, la pensée vient d'ailleurs, j'ai pas regardé ça aujourd'hui. Voyez-vous la nuance? Mm-hmm. Moi, je vous vois beaucoup plus, vous, dans l'éveil et dans l'étude, alors que si je dis tel propos, il y a des gens qui vont surtout être dans l'opposition, puis ils vont dire, il est qui, lui, Christ? Ben, c'est justement, il est qui, lui, Christ? C'est encore une façon de se mesurer. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Vous avez rien que de regarder, voir, ça a-tu de l'allure, ce que je dis? Ça n'a pas d'allure, Chris, fermé en radio. Exactement. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que des gens qui veulent maintenir leur statu quo de leur croyance vont se sentir attaqués ou menacés par tout élément qui est en contradiction. Oui, ben oui, ben oui. Et c'est pour ça que nous autres, que Bernard a toujours refusé de parler sous le sceau de l'occulte. Il a toujours accepté de dévoiler le mensonge, ou a toujours accepté de mettre son ego sur la table, de dire, moi je l'ai vu se rétracter sur certaines choses des fois. OK? Parce que, je vous donne un exemple. Une personne pose une question, puis il va dire telle chose, puis ensuite, il va aller au tableau, puis il va commencer à écrire. Puis son double ou quoi que ce soit va pouvoir dire répondez à la question de la dame ou du monsieur. Puis il va se retourner, il va répondre. Il va dire, je dois répondre à votre question. Votre question est pertinente. Puis lui, ça faisait des milliers de fois ou des centaines de fois qu'il répétait souvent le même petit bout de piste. Est-ce que vous êtes d'accord? Mm-hmm. Et peut-être que cette fois-là, il était parasité par une perception. Il dit, oh ben là, Chris, pas encore, elle comprend pas. Un moment, puis il est allé au tableau, il s'est corrigé parce qu'il sait que la pensée venait d'ailleurs. Il savait que la pensée venait d'ailleurs. Il est obligé de se corriger. C'est intéressant, ça, hein? Oui, ben c'est sûr. Dans l'espace de clavardage, il y a des gens qui parlent de différents individus qui auraient initié, que ce soit Sri Aurobindo, Krishnamurti. Oui, oui. Je suis curieux de savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là. Comme les gens disent, ce sont tous des initiés. Un initié, c'est quoi, à la limite? Un initié, ce n'est pas celui qui révolutionne la Terre. Parce que révolutionner la Terre, c'est impensable. Ça va se faire au niveau de la psyché collective. Un initié, c'est celui qui amène une vibration sur la Terre. Aurobindo a amené telle vibration, le Christ a amené telle vibration, et Krishnamurti a amené telle vibration, Bouddha a amené telle vibration, Mohamed a amené telle vibration, Mozart a amené telle vibration, Einstein a amené telle vibration. Voyez, Einstein, c'est un initié. Mais pourquoi Einstein serait initié? Il a apporté telle vibration sur la Terre. Il a apporté une conscience de l'énergie qui n'était pas connue. Oui, mais vous allez dire, oui, mais si on avait eu un double, puis on avait communiqué psychiquement parlant, on aurait pu savoir toutes les formules. Oui, mais ce n'était pas donné à ce temps-là. Puis un initié, normalement, ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles à la réalité du devenir de la Terre. Et Einstein, quand il a découvert que toutes ses recherches avaient servi à la bombe atomique, la construction de la bombe atomique, toutes les années, les restants de ses années de vie, il a passé à donner des conférences contre la violence nucléaire ou la violence atomique, parce qu'il a été très attristé de tout ça, mais... À ce moment-là, il était en réaction, il n'était plus en mode de canalisation d'intelligence créative. Était à ce moment-là au niveau de son âme. Oui, ben c'est ça. C'est ça. Un initié, ça peut être... il va amener tel brin d'information, mais son expérience est essentiellement de l'âme. Comparativement au Christ et Bernard de Montréal, ces individus-là n'avaient pas une expérience d'âme derrière. Il y avait une expérience d'esprit qui devait retourner d'où elle venait. Si on demande à Krishnamurti ou au Aurobindo, ils sont aujourd'hui, seuls eux autres le savent. Mais est-ce qu'ils vont devoir se réincarner sur la Terre pour vivre le contact de l'intelligence de l'esprit et de savoir que la pensée vient d'ailleurs? Je dirais que oui. La même chose pour n'importe quel initié qui était dans le passé. Parce que vivre sur la planète Terre et mourir, comme la plupart meurent, c'est pas réel. Il faut que l'homme meure avec sa conscience, puis il amène son esprit avec lui et son ego. Il s'en va parce que c'est une fusion. Et après ça, il peut habiter d'autres sphères d'énergie parce que sa conscience est rendue à un niveau d'éthérisation qui n'est plus matériel. Mais je ne peux pas dire ça des autres individus. Ben, il faut dire que les autres individus comme Einstein, c'était plus le secteur scientifique. Oui. C'est un initié au niveau de la science. Comme Mozart, c'est un initié au niveau de la musique. Beethoven, la même chose. Vous voyez, c'est un initié, en réalité, c'est quelqu'un qui va allumer la Terre d'un feu intelligent. C'est quelqu'un qui va amener, il va donner un leg à la Terre, parce qu'il va donner une direction pour que l'individu se construise dans des états de beauté. La musique de Mozart a amené plus de beauté. Fait que c'est très facile. Donc, le mot initié, les gens qui veulent vraiment, vraiment vivre leur vie en fonction d'initié vont vouloir savoir aussi qu'il y a énormément de souffrance dans ça. Parce que vouloir être un initié, c'est une illusion aussi. Exactement, parce que c'est pas l'ego qui décide. Je constate que si Bernard de Montréal serait revenu sur Terre, il n'aurait pas mentionné ça aujourd'hui. S'il reviendra aujourd'hui, il ne le mentionnerait pas. Ben oui, parce que sans ça, ça crée des attentes, des individus, puis... Ça donne absolument rien. Exactement. Aujourd'hui, en 2012, avec ce qu'on sait, ça donne rien. Alors que jadis, ça marquait la conscience des gens. Parce que les gens avaient soif de savoir, ça avait soif de s'initier à autre chose. Aujourd'hui, les gens n'ont pas soif de s'initier à autre chose. Les gens ont soif de savoir qui ils sont. Et toute la documentation est là. Et toutes les informations sont là. Par exemple, que la pensée vient derrière. Oui, grâce entre autres à Internet. Ah ben oui, Internet, ça véhicule énormément d'informations. Est-ce que des vos internautes qui ont des questions? Je peux leur répondre? Là, ils discutent entre eux un peu. Okay. Je regarde un petit peu, j'essaie de sélectionner les commentaires les plus pertinents, donc je peux faire un appel. Demandez une question. OK. Donc, parmi les gens qui vous m'écoutez, si vous avez une question, c'est le moment ou jamais de nous la faire parvenir. On va leur laisser un petit peu de temps pour écrire, là. Ouais. Parce que parlant d'initiés, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque époque, il y a eu des initiés. Il y en a qui ont initié dans le domaine de la musique, de la science. Oui. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui qui initie l'humanité à Internet, aux nouvelles technologies. Oui, parce que c'est la démocratisation de l'information. Ça va, l'accès au savoir va être plus rapide. Ça ne veut pas dire que c'est du savoir. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de mensonges à travers ça, mais l'information, on ne peut pas passer outre Internet. C'est le médium de communication qui va transmettre l'information d'une rapidité suffisante pour que les gens, lorsqu'ils se créent une masse critique au niveau de la conscience collective, parce que la conscience collective va être remplacée par une conscience individuelle, mais cette conscience individuelle-là va être supportée par les alliances de l'homme au savoir. Et les gens vont, quand ils écrivent sur Internet ou ils font des choses sur Internet, si c'est réel, ça fait grandir la conscience individuelle sur la Terre, parce que c'est une alliance. C'est le début de la régence planétaire. Question? Oui. Tantôt, il y avait une personne, Thomas l'a réactivé la question, là, à savoir... Il y a quelqu'un qui voulait savoir qu'est-ce que ça veut dire de discuter avec les forces. Ah, discuter avec les forces? Oui. Mais ça peut être la même chose, discuter puis étudier. OK? Ou dialoguer. OK? Si vous discutez, si vous le prenez dans la vibration que dialoguer avec les forces ou discuter avec les forces, ça veut dire d'avoir un point de contact avec les forces. Ça veut dire que vous avez votre conscience sur la Terre, OK? Puis les autres, ils ont une conscience qui est loin, très éloignée de la Terre. La seule façon dont vous pouvez prendre contact avec ces esprits-là, c'est selon, à travers votre esprit, à travers le dialogue télépathique que vous avez avec vous-même, en relation avec votre esprit, qui, lui, représente le point de contact avec les forces. Donc, si ce point de contact-là, il n'y a pas de jeu, il est vraiment sur la même ligne. Vous mettez deux points sur la même ligne, mais alors là, vous discutez. Parce que les autres, ils aiment discuter avec l'homme. Mais il faut que l'homme soit équipé. Parce qu'imaginez, là, si eux autres décident de parler avec un individu, prenez un enfant d'université, puis allez dire que la pensée, ou pas un enfant qui est en... Qui en maternelle. En première année. Hein? Un enfant maternel. Ouais, ou en septième année, ou en cinquième année, quelque chose du genre. Dites-lui que la pensée vient d'ailleurs. Alors, cinquième année, ça peut être pas pire. Au jardin, il peut jamais comprendre ça, mais que la pensée vient d'ailleurs, vous pouvez dire ça à un enfant de 4, 5, 7, 8 ans, je dirais, surveille les mauvaises pensées que tu as. Tu sais, comme tu sais, quand tu dis que t'es pas beau, tu peux l'instruire comme ça. De vouloir que lui, cet enfant-là, discute avec l'invisible, c'est impossible. Il n'y a pas le mental, la psyché, l'instruction pour savoir. Il ne peut pas supporter ça. Mais on peut l'éduquer. Et un jour, quand l'homme a le mental, a l'autorité. Parce que comment vous savez que si vous parlez, comme le monsieur dit, discuter avec les forces, il y a des forces occultes, puis il y a des forces de la lumière. Les forces occultes, c'est des forces astrales qui peuvent se faire passer pour de la lumière. Tu sais, celui qui entend qu'il est une réincarnation du Christ, il y en a plein qui entendent ça. C'est un contact avec les forces occultes, hein? Exactement. Alors que, tu sais, ils sont dire qu'ils sont ceci, qu'ils vont sauver le monde, ou qu'ils devraient faire ci ou quoi que ce soit, qu'ils sont des élus, ouais, c'est ça. Moi, le jour qu'ils vont me dire que je suis un élu, dans ma tête, je vais dire, voyons, chier. Tu sais. Je vais lui dire, parle-moi comme du monde. C'est ça que je vais lui dire. Qu'est-ce que tu veux, tu t'es un élu? Je suis en calice. Tu sais, parle-moi comme du monde. S'il me dit, par exemple, vous avez la conscience d'établir que l'homme doit découvrir davantage que la pensée vient d'ailleurs, je vais dire, ah ben là, il me parle comme du monde. Je vais dire, effectivement, moi, mon travail, ça fait partie de ça. J'ai d'autres questions du public. Ah, ben c'est bon, on va y répondre, si ça ne vous fait rien. Oui. OK, donc il y a Dédé qui dit, si les gens, nos proches, ne veulent pas savoir prendre conscience, doit-on s'éloigner, arrêter, fermer la porte par rapport à eux, par rapport au fait qu'ils ne veulent pas prendre conscience que la pensée vient d'ailleurs? Est-ce qu'on doit s'éloigner d'eux autres? C'est très intéressant ce qu'il dit. Ça veut dire, en premier, faut que l'homme ne peut pas forcer la conscience chez les hommes. On ne peut pas forcer ça. Ça veut dire quoi? L'homme va se tenir avec des gens qui vont avoir à un moment donné l'ouverture. OK? Mais l'ouverture, ce n'est pas l'ouverture que lui pense. Souvent, on pense que oh, ça serait le fun qu'on trouve des gens pour échanger. Hein? On pourrait échanger, parler de conscience, etc. Peut-être que l'ouverture que vous devez avoir, c'est pour la première fois d'accepter l'autre où il est et d'être capable de supporter cette inconscience-là sans nécessairement le juger. Mais ça a ses limites parce que si la personne a un taux vibratoire très, très, très différent du vôtre, c'est vous qui allez supporter son taux vibratoire. C'est peut-être dans ce sens-là que vous devez vous éloigner. Est-ce que ça répond? Oui, dans le sens qu'il ne faut pas qu'il devienne un fardeau qu'il faut transporter sur nos épaules, là. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours le taux le plus haut, le taux le vibratoire le plus haut qui ouvre les portes. Parce que l'individu qui vous rencontre, vous pouvez peut-être leur en parler une demi-heure. Et la demi-heure que vous allez vous parler, c'est exactement ce que la personne a besoin. Mais vous, si vous réfléchissez parce que vous êtes dans votre énergie, puis vous n'avez pas conscience de l'autre, vous allez parler une heure, finalement, cette demi-heure-là va se retourner contre vous parce qu'il va y avoir une absorption d'énergie que l'autre ne pourra pas faire et l'énergie va revenir contre vous. Oui, parce qu'il faut respecter le dosage. Oui, il faut respecter le dosage, puis il faut toujours avoir la conscience de l'autre. Jamais la conscience de soi, de ce qu'on dit, la conscience de l'autre. Moi, si tantôt, là, vous me dites telle chose, dans ma tête, je décortique que c'est fini la conversation. OK? Si vous sentez aussi la même chose que moi, je dis toutes sortes de conneries, vous allez dire, ben, c'est fini la conversation, j'ai plus d'énergie à perdre, je vous enlèverai de l'énergie, je vous vampiriserai indirectement. Et c'est ça que l'homme doit se protéger, toujours savoir qu'est-ce qu'il doit dire, mais surtout qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. Ça, c'est plus important de qu'est-ce qu'il doit dire. Parce que qu'est-ce qu'il doit dire, c'est des fois, c'est l'ego qui pense qu'il doit dire ça. On est toujours, il faut toujours censurer, dans le sens qu'il faut toujours savoir que l'autre doit nous quitter avec un A plus et non avec un A moins. Nous autres, on doit partir avec le A moins, mais l'autre doit quitter avec un A plus. Ah, ben moi, je ne m'avais pas cette exigence-là. Pardon? Moi, je me mets pas cette exigence-là. Que l'autre soit content ou pas, je m'en fous. Non, mais si vous avez un échange avec l'autre, là, ouais. Si vous avez un échange avec l'autre, que ce soit votre frère ou votre sœur, vous voudrez pas qu'elle parte parce que vous allez simplement faire un commentaire, « Oh, mais toi, on sait bien, t'es comme ci, puis t'es comme ça. » Donc, vous voulez pas que ça soit utilisé contre vous après. C'est dans ce sens-là que je pense que vous ne voulez pas que l'individu pense que vous êtes supérieur à lui. Vous ne voulez pas que votre ego devienne une force qui serait utilisée contre vous. Quand vous quittez l'homme, l'autre, vous allez dire, ce que je dis dans le fond, c'est que l'harmonie doit être préservée en tout temps. Et supposons que vos auditeurs, ce soir, pensent que je suis arrogant, ben c'est bien correct. Pourquoi moi, je dirais que ben, c'est parce qu'ils se... Tu sais, je pourrais tout simplement dire, ben, c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ça serait arrogant, ça, de dire ça. Fait que là, je quitterais l'émission disant que ben c'est les gens qui ne savent pas qui ils sont, puis moi, dans le fond, je sais qui je suis, puis j'ai le droit de les corriger. C'est dans ce sens-là que je veux dire, de A à plus ou à moins. Moi, je peux partir de votre émission, puis les gens vont peut-être penser, ben, il est arrogant, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Fait que je vais prendre la A à moins, ça me fait rien. Dans ce sens-là. Oui, ben sinon, je vais y aller avec une dernière question de la part de G. Racing qui voulait savoir est-ce qu'il y a un grand initié sur Terre en ce moment? Non. Il y a des initiés sur Terre en ce moment. Il n'y a pas de grands initiés. Alors, c'est ce qui va compléter cette entrevue. Et je voulais signaler pour les gens qui nous écoutent actuellement que Marc de la Salle a un site web, donc marcdelasalle.com. Et sur ces mots, comme à l'habitude, je vous remercie pour tout le temps que vous avez consacré ce soir là, pour la réalisation de cette entrevue. Ben, merci beaucoup, et puis bonne route. Bon, ben, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.